Rêve de femme aux yeux d'argent, il ne reste que la légende. Laisser derrière soi son passé. Qui est semé au gré du vent comme des graines de tournesol que je suis à la trace. Accroché à un morceau de lune sans tricher, sans perdre de vue ces graines qui pousseront ailleurs. Tout autour de mon chemin bordé d'un moulin à vent que le vent fait tournoyer. Bordé de moulin à vent, je fais une ronde dans ma tête qui tourne comme des chevaux de bois. Les moulins tournent et je m'en vais, les moulins tournent et je me saoule pour ne plus avoir peur. L'échelle perdue par le temps m'empêche d'aller cueillir une fleur aux yeux d'argent. Et je reste muet, vide de tout, car les mots qui me portent ne m'enivrent jamais. Chaque jour debout sur une lame de rasoir, où je marche vers la nuit tombant, où cette femme aux yeux d'argent m'entraîne dans un silence qui me laisse me cacher du monde, où la clé du jour et de sa lumière se trouve dans cette pénombre.